que ton baiser m'emporte sous des ponts insensés. Je veux trouver la porte de ton canal sensible, que par un peu de poudre tu foudroies mes pensées comme au temps de la foudre de Saint-Germain-des-Prés. Par le grand matin de tes yeux, sors-moi de mes abîmes, porte-moi vers les cieux, redonne-moi les cimes. Tes yeux sont des ponts frais vers des fruits que je cueille à plein panier comme un enfant gâté. Ouvre-moi le ciel de tes yeux, laisse-moi boire un peu à la première source, y chercher mon voyage. Arrêter cette course et ne pas être sage, échanger des baisers sous des ponts insensés.